Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse En mal de toi, le mal logement, une série de Jérôme Sandlars réalisée par Véronique Samuilov. Au départ de cette série, il y a ces semaines confinées chez soi et ses chambres de bonne, toilettes sur le palier et escaliers de service qui puent la poubelle. Mais parfois aussi, il y a le parcours du combattant, de ceux qui attendent désespérément un logement social et toujours plus de demandes que de places. Alors pour commencer, les personnages. Un historien sur son terrain, des gens qui dorment dans le métro, un ancien plombier, des maires isolés, les militants du DAL, la ville de Paris et des élus qui cherchent. Ensuite, le décor. Une cité ouvrière, un concours, un peu d'hygiénisme, la morale, l'après-guerre, un rêve de pavillon, une commission et des appartements devenus trop grands. Aujourd'hui, deuxième épisode, on arrive cité de la Ruche. Bonjour monsieur. Regardez ces petites maisons avec ces charmantes fleurs aujourd'hui. C'est fantastique, on a une impression d'être à la campagne. Mon rêve de HLM ou la course au logement social en région parisienne. Patrick Camoun, vous êtes historien de la vie quotidienne et spécialiste notamment du logement social. Et on se retrouve ici aujourd'hui dans un lieu qui s'appelle La Ruche. Emblématique du logement social. Alors, d'abord, vous entendez le RER derrière moi, ce qui vous indique que nous sommes dans une cité ouvrière à la fin du 19e siècle pour des cheminots qui travaillent à côté. Alors, il faut remonter à l'exposition universelle de 1889, celle du centenaire de la Révolution. Lors de cette exposition, Jules Siegfried, le maire du Havre et député maire du Havre, va faire une grande manifestation internationale sur les habitations à bon marché. Rendez-vous compte, au niveau international, on va parler du logement des classes ouvrières et des employés. En 1889, donc, on va créer la Société française des habitations à bon marché, qui est une société de conseil, un peu ce que représente aujourd'hui l'Union des HLM. Une société de conseil à ceux qui veulent faire des habitations à bon marché. Et puis la société décide de lancer un concours d'architecture pour des habitations à bon marché. En 1890, donc, ce concours, et on se demande si ça va fonctionner, un concours pour des habitations à bon marché. Vous pensez que les architectes à l'époque ne vont pas se déchaîner là-dessus, et pourtant, il y a 48 réponses. 48 réponses pour faire une petite cité, mi-locatif, mi-accession à la propriété, qui va devenir La Ruche. 1891, la cité est commencée. Elle va être bâtie en quelques mois avec du béton de mâchefer, extrêmement économique et très écolo. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est du recyclage de matériaux de l'industrie. Et donc, ce béton de mâchefer va permettre de bâtir une cité avec des pavillons, avec des habitations en hauteur, 3 étages maximum, qui est un petit village. Cette cité est une cité à la fois cité-jardin, à la fois collectif, à la fois maison individuelle. Vous avez un mélange. Regardez, des petits logements. À l'époque, ils font 45 mètres carrés pour un 3 pièces. Bonjour. Voilà, factrice à vélo, ça c'est bien. Cette cité était conçue pour la mixité sociale, en locatif et en accession à la propriété, et l'accession n'a pas fonctionné. Les ouvriers qui vivaient dans la cité, les employés n'en voulaient pas. Il faut dire qu'à l'époque, la classe ouvrière vit dans des conditions de logement épouvantables. On peut estimer que 40% des ouvriers vivent dans des logements d'une seule pièce, qui sert à la fois de cuisine, de salle à manger, de salle de bain, de tout ce que vous voulez, de chambre, etc. Et où on y vit quelquefois à 5, 6, 7, 8, quand c'est pas 12 personnes dans la même pièce. le taudis et le logement de l'ouvrier. Et pour lutter contre le taudis, pour essayer de fidéliser la classe ouvrière, parce que si on veut que les ouvriers travaillent dans l'usine, la mobilité ouvrière est très importante à l'époque, et bien, il faut leur donner des logements sains et confortables. Alors il y a d'autres raisons pour lesquelles le logement social est né. La première, c'est l'hygiène. Le taudis est un tueur et on sait pourquoi c'est un tueur aujourd'hui. À l'époque, on parle de la tuberculose. La tuberculose, on parle de toutes les maladies qui sont la typhoïde, etc., les maladies de l'eau, les maladies du manque d'hygiène. On a un mouvement hygiéniste puissant qui naît à la fin du 19e siècle, on va dire. Donc, la première mission du logement social, ce sera de loger des familles nombreuses avec toujours des quatre pièces. Une pièce pour les parents, une pièce pour les filles, une pièce pour les garçons et une pièce à vivre commune. Il faut séparer les sexes et il faut séparer parents et enfants. Et donc ces pavillons qui nous environnent, ils sont conçus de cette manière, tout à fait. C'est la majorité, c'est des quatre pièces. Et à l'époque, la cuisine et la pièce à vivre. Est-ce qu'il y a des salles d'eau, des salles de bain, des toilettes? Non, il n'y a pas de salle de bain à l'époque, vous rigolez, mais les toilettes sont à l'intérieur. Alors quand je dis ça, tout le monde rigole, mais la toilette à l'intérieur, c'est un progrès considérable. Il n'y a que 20% des logements en 1946 qui ont des toilettes intérieures. 20% des logements français. Troisième raison pour laquelle on a fait du logement social, après la famille et l'hygiène, c'est la morale. Il faut moraliser la classe ouvrière. L'ouvrier ne sait pas contrôler ses pulsions, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie de médecine. Et donc, à l'époque, on dit que l'ouvrier est excitable et pas le col blanc, rassurez-vous. Et pour éviter l'un des fléaux sociaux du début du siècle, la syphilis, pour éviter à l'ouvrier d'aller au bordel, il faut lui donner des logements sains et confortables où il sera heureux de rentrer le soir. Donc, le logement sain, c'est la moralisation de la classe ouvrière. Dernier point, il est bien évident que c'est la crise du logement qui sévit à l'époque. Le mal-logement est la chose la plus commune à l'époque, et notamment dans les régions industrielles ou la région parisienne. C'est l'invention des marchands de sommeil. On a des marchands de sommeil absolument partout. Et quand je dis marchands de sommeil, il y a même les dormeurs à la corde. On leur permet de s'appuyer sur une corde et pour les réveiller, on détache la corde. Ou les dormeurs sur une table, etc. On trouve de tout. Et quand on loue ces espèces de taudis pour les pauvres, ils sont à 2, 3, 4 dans le même lit. Et en plus, ils font les 3-8. C'est-à-dire, c'est la technique qu'on appelle du lit chaud. Il y a toujours quelqu'un pour dormir, que ce soit le jour ou la nuit. J'habitais un sordide taudis avec ma femme, mes 5 petits. Pour pas avoir à rentrer, j'allais tous les soirs au cabaret où me guettait le poison vert. Ma vie devenait un enfer. Mes 5 gamins dépérissaient et ma femme s'alanguissait. Elle pleure, son logis est trop petit. Elle prie pour quitter son taudis. Elle rêve un jour pour changer sa vie d'HBM de Paris. HBM, travailleur, c'est l'espoir qui renaît dans les cœurs. Maintenant, j'ai l'eau sur évier et les toilettes dans l'entrée. Pour l'hiver, j'ai du chauffage et le gaz à tous les étages. Une pièce commune pour déjeuner, 3 chambres pour loger maniché. Douche et lavoir au rez-de-chaussée et un portier bien embouché. Elle chante, elle rit, et voilà l'HBM de Paris. Alors, cette cité est exemplaire pour une autre raison, c'est que elle va servir à Jules Siegfried pour démontrer que c'est possible. Et Jules Siegfried va pouvoir faire sa loi qui va créer les habitations à bon marché. C'est le maire du Havre. C'est le maire, député maire du Havre, qui a créé les habitations à bon marché et qui a fait voter la loi de 1894, dite loi Siegfried, qui crée un nouveau type d'habitation, celui des habitations qui va devenir plus tard les HLM. Si on devait retracer un historique succinct, comme ça, des moments importants de l'histoire du logement social, vous diriez quoi, Patrick Camoun ? Les précurseurs, c'est l'industrie. C'est les cités ouvrières, on va dire, avec Gaudin, avec Noyel, avec Meunier, etc. C'est le premier temps. Deuxième temps, les HBM, habitations à bon marché, qui vont durer jusqu'à la guerre de 40. Et ensuite, le temps des grands ensembles. La troisième période va être la production de masse, dans une crise phénoménale. Il y a des gens qui dorment dans le métro, des gens, mais quand je dis des gens, des centaines, des milliers de gens qui dorment dans le métro dans les années 50, parce qu'ils ne trouvent pas à se loger. Ce ne sont pas des SDF, comme on dit aujourd'hui. Ce sont des travailleurs qui n'ont pas à se loger. Et donc, produire en masse était une nécessité impérieuse après la guerre. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir, gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. Appel de l'abbé Pierre, 1er février 1954. La discussion sur qui doit loger le logement social va réintervenir, bien sûr, à partir de l'appel de l'abbé Pierre. Et en 54, pour la première fois de l'histoire, on a une réglementation sur les attributions de logement. On a déjà en 54 le surloyer, supplément de loyer, et on a déjà en 54 des plafonds maximum, etc. Et donc, vous avez toute la réglementation sur les attributions qui sort en 54. C'est pas un hasard, c'est l'appel de l'abbé Pierre. Après, le logement va devenir une grande cause nationale, le logement social. Et donc, on va beaucoup construire. On passe de la reconstruction de la France à la construction de nouvelles cités. Et c'est le temps de grands ensembles. Bonjour. Bonjour. On se connaît, monsieur. Oui, je crois, oui. On s'est vu lors de la petite fête l'an dernier, là, pour... Ah, oui, je me rappelle, oui. Ça fait bien ? Comme les vieux. 87 ans. Comment vous appelez ? Simonet, André, Pierre. Et vous êtes là depuis longtemps ? Ah, 60 ans. J'en ai vu des clients ici, des locataires. Ah, j'en ai vu, hein. 60 ans, ça remonte à... après la guerre. Ben voilà, s'il n'y avait pas de logement. On a vécu à l'hôtel pendant un bout de temps. Et j'ai eu cet appartement-là grâce à ma tante, qui était une petite soeur des pauvres. Alors, j'en ai sorti de l'hôtel, ma fille est née, elle avait un an déjà. On est arrivé là au premier étage. On est resté un bout de temps, puis après j'ai pris ce logement-là. Le rez-de-chaussée à droite. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ? Plombier, chauffagiste. Je suis cassé de partout, c'est pour ça. Plombier, je suis toujours à genoux. On met les tuyaux au-dessus de la plante, alors... Est-ce que vous rêviez de devenir propriétaire, vous, André ? Ah, c'est trop tard. Même si je pouvais, c'est trop tard. Mais est-ce que c'était un rêve pour vous ? Non, je m'étais un rêve. On est isolé en pavillon. Il n'y a pas de, je sais pas, ils sont pas sympas là, entre eux. Hein. Les gens des pavillons, c'est pas ça qui est ça. Hein. Ouais. Moi, j'ai jamais voulu quitter parce qu'on paye pas cher ici. Je paye 240 euros par mois. Voulez-vous trouver ça ailleurs ? On doit être à 4 euros le mètre carré. Alors que le prix du marché à Saint-Denis, c'est 22. Hein, donc. 4 euros pour 22, vous êtes gagnant. C'est un avantage que d'avoir un logement ici. Mais les gens ne bougent pas aujourd'hui. Il y a une très faible mobilité. Il est bien évident que la population est assez âgée dans la cité. Et ce sont des gens très modestes. Très modestes. Des gens comme moi, il n'y en a plus beaucoup à la ruche. Hein. Des gens chiens comme moi. André, vous avez combien de mètres carrés là dans votre appartement ? Oh, il fait 45. Il n'est pas gros. Hein. Ça suffit pour deux maintenant. J'ai jamais voulu déménager. Maintenant, il faut que je rentre parce que moi, il faut que j'aille faire à manger. Ça, je viens des courses, là. Et voilà. Je vais décharger tout ça. Je vais m'aider. Sur la table. Entrez. Vous avez des photos un peu sur tous les murs, là. Oui. Mais ma petite fille, son mari, Yannick, ses deux petits-enfants. Et vos enfants, alors, où est-ce qu'ils dormaient, ici? Il y a une grande armoire qui faisait un grand lit. Et que vous repliez chaque jour? Voilà, replié. Ici, il y avait un petit canapé pour une personne. Ici, il y avait trois bureaux et une penderie. Ils avaient chacun un bureau et une penderie pour eux. Ça n'a pas été facile pour élever trois enfants ici. Bon, il est arrivé. On a bien fait de rester là quand même. On s'est allé où? Hein, d'abord, on ne pouvait pas payer un pavillon à l'époque. On ne pouvait pas payer un pavillon. Si vous n'avez pas un bon salaire, ben, ça ne va pas. Maintenant, là, ce qu'il faut, mais c'est trop tard. J'ai une bonne retraite, moi, je ne me plains pas. Hein. Voilà, ben, là, on est bien, c'est suffisant. Hein. Merci beaucoup, André. Au revoir. Vous êtes relogé? Oui. Elle est là. Oui, je suis relogé. Quelle impression ça vous a fait quand vous avez appris ça? Vous y attendiez? Je crois plus? Que c'était le plus beau jour qui pouvait m'arriver. Depuis combien de temps vous attendiez? Depuis 7 ans. Alors, vous aviez fait une demande à la municipalité? Oui. Et puis, dernièrement, mercredi, j'ai reçu une feuille comme quoi j'étais relogé. Alors, j'étais tellement contente, je crois que j'en aurais pleuré. Et alors, vous ne le connaissiez pas, ce logement? Non, non. Alors, vous êtes allé le visiter? Oui, hier. Hier? Oui. Alors, vos impressions? Oh, je sais pas. Quand je suis rentrée et que j'ai vu les ces grandes pièces, je croyais être perdue. Il y a combien de pièces? Il y a 3 chambres, une salle de séjour, une cuisine, une salle d'eau, les water, une entrée et des grands placards que je sais même pas comment je vais tout arranger parce qu'on est tellement peu l'un sur l'autre. Oui, mais vous allez trouver l'emploi. Oh, oui, je vais bien arriver à tout casser. Dans ce nouveau logement, est-ce que vous pensez que votre vie privée sera plus agréable? Ah oui, c'est bien pensé, devant les enfants on peut pas faire ce qu'on veut, tandis que là ils sont dans leur chambre, nous dans la nôtre, on sera tranquille. C'est le moment de le dire, on va se sentir jeune marié bientôt. Au début des années 50, on va lancer non plus la reconstruction, mais la construction d'un pays moderne, hein, dans lequel il s'agit de rattraper un déficit quasiment séculaire, parce qu'on n'avait pas beaucoup construit depuis la révolution industrielle, donc de rattraper ce déficit, de moderniser l'offre de logement, par exemple en introduisant, à partir des années 50, on va commencer à introduire la salle de bain dans les logements, quoi. C'est quelque chose de nouveau. Jean-Claude Briand, spécialiste des politiques du logement. Et c'est largement la production de logements sociaux, de ce que j'appelle, moi, les vingt glorieuses pour la construction de logements sociaux, c'est-à-dire 1953, 1973 ou 55, 75, quoi, voilà, à peu près. On va construire beaucoup de logements, dont beaucoup de logements sociaux. Des logements modernes, avec un urbanisme moderne, au sens, y compris des espaces ouverts et puis une circulation automobile autour, ce qu'aujourd'hui on appellerait des quartiers enclavés. Mais ce qui aujourd'hui est souvent considéré comme assez stigmatisé, les tours, les bars dont on ne veut pas, dont on ne veut plus, au début, est au contraire fortement valorisé. Sont de très bons logements. Ils ont un seul défaut, mais qui est un défaut dont on s'est aperçu après, c'est que pour beaucoup, c'était des passoires énergétiques. Mais à part ça, en termes de surface, par exemple, un 4 pièces des années 60 est plus grand qu'un 4 pièces neuf qu'on construit aujourd'hui. Donc ce sont des logements confortables et donc valorisés. Et avec l'idée que ces nouveaux logements sociaux, ils ont pour but aussi d'accompagner la croissance de l'économie française, sa réindustrialisation, etc. Et qui les occupe alors, ces logements? Alors, tout le monde. On introduit quand même le plafond de ressources en 54, donc on vise tout le monde à partir des classes moyennes. Et on a souvent l'image classique des premiers occupants des grands ensembles qui vont être des fonctionnaires, des enseignants, mais aussi évidemment des ouvriers immigrés de la construction automobile autour des grands sites de production automobile dans les Yvelines, par exemple. Donc c'est à peu près tous les publics. Donc les grands ensembles, ils ont été conçus avec cette idée de mixité. Et progressivement, les choses ont changé. Eh bien, d'abord, il faut que les grands ensembles deviennent des petits ensembles. Mars 1973. Ceci n'est pas absolument un problème de ségrégation, c'est un problème d'intégration de ces ensembles dans une vie urbaine qui doit se caractériser par la diversité. Ce qui fait le charme d'une ville, c'est la diversité. Donc, je souhaite qu'il y ait de petits ensembles et je demande qu'on ne dépasse pas 500 logements pour apporter cette espèce de variété. Et puis ensuite, je souhaite qu'à l'intérieur de ces ensembles, on répartisse les logements aidés de manière à ce qu'il n'y ait pas de grands ensembles entièrement en HLM locatif et d'autres où il n'y en ait pas du tout. Il faut un mélange des deux, sinon on aboutira en effet à une ségrégation sociale et après tout, la construction, l'habitat, c'est pas fait pour ça. Il y a un texte étonnant, il y a une circulaire du ministère en charge des affaires sociales en 1971 qui commence à faire le lien entre la forme urbaine des grands ensembles et la délinquance juvénile. C'est la première fois que le terme arrive, en 71. Et puis juste après, il y a une circulaire qu'on a appelée tours et bars, les tours et les bars, qui va dire c'est une forme qui n'est pas adaptée aux villes de moins de 50 000 habitants. Donc il est désormais interdit de construire des tours et des bars dans les villes de moins de 50 000 habitants. Et puis en 73, et ça c'est le coup d'arrêt, c'est la circulaire Guichard, qui était le ministre, je sais plus quel était l'intitulé, mais en gros de l'urbanisme et du logement de l'époque, qui donne un coup d'arrêt à la production de grands ensembles. Ça veut dire qu'on a des politiques publiques qui vont prendre conscience progressivement qu'il y a un problème dans ce type d'urbanisation, qui est que une partie de leurs occupants, ceux qui ont les moyens les plus élevés, aspirent à d'autres formes d'habitat. Ça va être très largement la maison individuelle. C'est-à-dire des gens qui sont partis de façon importante et qui ont été remplacés, ça c'est la logique du système, par des ménages à revenus plus bas, dans des cadres de vagues d'immigration importantes, de regroupements familiales à partir du milieu des années 70, etc., qui, eux, ont été assez vite marqués par l'arrêt de la croissance, la montée du chômage dès la fin des années 70 et le début des années 80. Et là, on a eu finalement une sédimentation de la situation de ces quartiers, qui du coup ont perdu toute leur attractivité résidentielle pour les classes moyennes. Et donc une concentration de pauvreté, de paupérisation dans la plupart de ces grands ensembles à partir du milieu des années 70. Le moins qu'on puisse dire de ces grands ensembles, c'est qu'ils manquent d'âme. On a construit, on a paré au plus pressé, et le problème des loisirs de ces jeunes a été un peu, non pas la dernière roue du carrosse, mais on n'a pas tellement eu le temps jusqu'à présent d'y penser. Alors, comme ils n'ont rien à faire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'ennuient et ils sont livrés à l'oisiveté. Ils se promènent le soir dans le centre commercial. Du café, toujours au café. Si ça va bien un moment, mais après, Et du coup, on arrive après à l'étape suivante, on arrive à années 80-90 jusqu'à aujourd'hui, en quelque sorte. Le monde du logement social et les politiques du logement, d'une manière générale, ont décidé de rompre avec ce modèle du grand ensemble. À partir du début des années 90, puis surtout à partir de 2000, avec la fameuse loi SRU qui oblige à un certain pourcentage de logements sociaux. 20% de logements sociaux. 20% d'abord, puis 25% depuis 2013. Diffusion du logement social dans l'espace. Aussi une banalisation architecturale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'est quasiment plus possible de reconnaître un immeuble de logement social d'un immeuble de promoteur. Ça ressemble à n'importe quel immeuble neuf. Alors, on est principalement dans du logement collectif, mais pas seulement. Aujourd'hui, à peu près 15% de la production de logements sociaux, c'est de l'individuel. Est-ce qu'il y a cette idée, Jean-Claude Drian, que le logement social incarne une forme de promotion sociale dans ce qu'on pourrait appeler le parcours résidentiel de tout habitant ? Dans les années 60-70, le logement social en tant que tel était une promotion résidentielle. Et puis, parallèlement au parc social et à la construction de logements sociaux, on a développé l'accession à la propriété. C'est-à-dire, on a souvent une image des années 60-70 comme une période de grands ensembles et de logements sociaux. En réalité, on a produit à cette époque-là, avec de l'aide publique, plus de logements en accession à la propriété que de logements sociaux. La logique étant que quand on va vers l'accession à la propriété, du coup, on libère un logement social. Mais comme on est dans une logique de croissance, d'ascenseur social, etc., et du coup, on va avoir une sorte de roulement d'occupation. Et le logement social va jouer ce rôle de, en quelque sorte, de sas, qui va permettre aussi, par l'économie qu'on fait sur le loyer, en payant un loyer raisonnable, de commencer à épargner pour se mettre le pied à l'étrier pour accéder à la propriété. Ce modèle, il a été assez largement rompu par l'arrêt de la croissance, la crise, la montée du chômage, etc. Donc aujourd'hui, on a un système qui est largement bloqué de ce point de vue-là. Il est quand même important d'avoir à l'esprit que on a en France 4,5 millions à peu près de logements sociaux, logements locatifs sociaux. Mais ça, c'est pas l'offre. L'offre, c'est les logements qui, chaque année, sont rendus disponibles. Et alors ? Ça, c'est environ 500 000. Sur ces 500 000, 15%, c'est l'offre nouvelle, c'est-à-dire les logements construits, neufs. 85% sont les logements qui ont été libérés par l'occupant précédent. Donc, si les gens ne sortent plus du logement social, eh ben, il y a moins d'offres. Si vous êtes à Paris, la mobilité est infime, elle est extrêmement faible, parce que c'est vrai que quand on a un logement social à Paris, on a assez peu de raisons d'en sortir pour devenir propriétaire au fin fond de la deuxième couronne. Du coup, on a des listes d'attente qui s'allongent. On l'a scanné, ça. Oui, donc c'est bon. Non, c'est bon. Non, mais c'est bien. Oui, mais du coup, il faut que le BRP modifie. Bon, on va le donner à Christian. Donc, on va commencer. Peut-être présentez-vous, ce sera plus simple. Alain Le Garec, représentant de la CGL. Claude Chaudière, je représente l'association Emmaüs. Et donc Yann Brossage, j'ai l'honneur de présider cette séance. On va commencer cette séance de la commission de désignation des logements de la ville de Paris. Et c'est la 150e depuis 2014. Bien, on passe aux désignations. Ouh, il y en a un paquet. Alors, place de la Porte de Saint-Cloud pour un F3 de 54 mètres carrés à 781 euros. On l'a mis sur Locannonce, il y a eu 338 postulants et après les filtres, 110 candidatures exploitables. Le logement n'est pas accessible aux personnes handicapées. Candidature A, une dame de 41 ans, divorcée, avec deux enfants de 13 et 15 ans, qui est sans domicile fixe et domiciliée auprès de la Croix-Rouge française suite à son divorce. Et puis il y a aussi des points liés aux violences familiales pour lesquels on a une main courante en date d'avril 2017. Candidature B, une dame de 33 ans, divorcée, avec deux enfants de 3 et 6 ans, qui sont actuellement en structure d'hébergement au CHRS Charonne. Candidature C, une dame de 54 ans, célibataire, avec deux enfants de 16 et 18 ans, qui occupent un F1 dans le parc privé, et qui sont éligibles d'ALO. Candidature D, une dame de 43 ans, célibataire, avec deux enfants de 3 et 12 ans, qui occupe un F2 dans le parc privé avec un taux d'effort très important suite au divorce. Et candidature E, une dame de 34 ans, divorcée, avec deux enfants de 1 et 13 ans, qui occupe un F2 dans le parc privé avec un taux d'effort très important. Le A, le B, le C, à cause de l'ancienneté et la surface. A, B, C. Le D, tu mets le D aussi ? Bah non, je ne sais pas. Non, le A et le B, on est obligé. Oui, le A, le B. Le C, ils sont dans 17 mètres carrés, ils ont 18 ans d'attente. D'accord. C'est quand même l'enfer. Hein. D'accord. Ouais, les surfaces. Yann Brossat, alors vous êtes adjoint à la maire de Paris, responsable du logement. On vient d'entendre un extrait à l'instant de la commission désignation de logements sociaux que vous présidez chaque semaine. J'aimerais que vous nous expliquiez comment ça fonctionne. C'est effectivement une commission qui se réunit une fois par semaine, le jeudi après-midi. Et c'est une commission qui existe depuis 2001. Avant 2001, il n'y avait pas de commission. Et les logements étaient attribués d'une manière discrétionnaire. C'était encore le temps où Tibéri était maire de Paris. Et depuis 2001, il existe une commission qui est pluraliste, avec des élus de la majorité, de l'opposition, mais aussi des responsables associatifs, qui décident ensemble des attributions de logements sociaux. Et depuis maintenant 3 ans, nous avons décidé, en plus de changer notre mode d'attribution de logements sociaux, en mettant en place d'abord l'anonymat des dossiers, puisque les dossiers qui passent en commission ne portent pas de nom. Et par ailleurs, nous avons aussi mis en place un système de points, ce qu'on appelle la cotation, avec environ 25 critères, et l'objectif, c'est de faire en sorte que les dossiers les plus prioritaires, donc les gens qui sont les plus en difficulté, puissent ressortir et se voir attribuer un logement dans un délai qui ne soit pas trop long. À qui s'adresse le logement social, Yann Brossat ? Notre objectif est de faire du logement social pour un grand nombre de catégories sociales. Et d'ailleurs, lorsque nous produisons des logements sociaux, nous en produisons de 3 types, des logements qui sont très sociaux, à 5-6 euros du mètre carré, du logement social traditionnel entre 7 et 8 euros du mètre carré, mais aussi du logement social à destination des classes moyennes qui tourne plutôt autour de 12 euros du mètre carré. Ce qui veut dire que la palette des catégories sociales auxquelles nous nous adressons est relativement large. À Paris, on tourne autour de 25 à 30 euros du mètre carré, donc le logement social, y compris lorsqu'il s'adresse aux classes moyennes, donc la catégorie la plus élevée de logements sociaux, est quand même au moins deux fois moins cher que le parc privé. On va y aller. Ouais. Bonjour, papa. Bonjour, jeune homme. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors là, on est juste devant le 29 avenue Ledru-Rollin à Paris. Il y a pas mal de gens qui sont attroupés devant le siège du DAL, donc droit au logement. Et dans un petit coin, il y a son directeur et fondateur, Jean-Baptiste Hérault. Bonjour. Bonjour. Pourquoi il y a du monde autour de vous? Bah là, on s'apprête à faire une action, comme on en fait assez souvent, demander à un acteur du logement de reloger des familles sans logis, mal logées ou menacées d'expulsion. Est-ce qu'on peut savoir où vous allez? Alors là, on verra ça tout à l'heure, parce que c'est dans nos usages, c'est-à-dire qu'on ne dit pas où on va avant d'y être. On y va, on y va. Allez, en route. On y va. Vous venez avec nous? D'accord. Non, on y va. Ah oui. Salut. Dans toute la France. Non, c'est une bonne nouvelle. Non. Ça fait beaucoup de logements pour les mal logés. Hein? Voilà. Donc de temps en temps, on vient, on fait le tour un peu des bailleurs sociaux et puis on dit maintenant pour loger les familles qui sont là. Ben, si vous écoutez pas, vous n'allez pas comprendre. Hein. Donc, on va demander le relogement de environ 100 familles qui sont mal logées, sans logis ou menacées d'expulsion. Famille et célibataires, bien sûr, on n'oublie pas les personnes seules. Hein. Donc, en logement social, puisque bon, la plupart d'entre vous ont des tout petits revenus et donc il n'y a pas d'autre moyen de se loger convenablement que d'avoir un logement social. Puis après, il y a d'autres questions. Nous, on a des divergences quand même assez sérieuses avec la stratégie de SNI, qui privilégie aujourd'hui la production de logements intermédiaires, où dernièrement, on a vu un papier dans un journal où le président de SNI, justement, disait qu'il fallait faire appel à des capitaux privés pour construire des logements sociaux. Et ça, c'est très préoccupant parce que si on fait appel à de l'argent privé, même s'ils disent on est des fonds éthiques ou je ne sais pas quoi, ils vont demander une rentabilité. Autrement dit, là, on va avoir des actionnaires qui vont dire maintenant il faut me donner de l'argent. Donc les loyers vont être plus chers ou les logements seront de moins bonne qualité. Vous voyez, forcément. Et aujourd'hui, les groupes financiers investissent dans toutes les grandes villes du monde et ça fait monter les prix. Bon voilà, je vous ai un peu expliqué. Voilà. Et on veut surtout un rendez-vous avec le grand patron, monsieur Hichet. Bon, bah, la lutte continue, on n'est pas fatigué. Allez, on y va. C'est quoi votre prénom? Fatia. C'est vous qui criez dans le mégaphone là? Heureusement, on a dalle pour crier, pour venir, pour sortir la souffrance. Franchement, moi, je suis une maman des garçons, 4 ans et 6 ans. Je suis sur un logement trop petit, 22 mètres carrés. On est 5 des garçons, mon mari et moi et mon père. Les vêtements de mes enfants sont dehors, dans l'escalier. Mes enfants mangent à l'escalier. J'étais obligée de cuisiner la nuit. Des fois, je ne dors pas la nuit. Hein. Je fais tout. Il faut que je sorte tout pour faire les ménages, pour cuisiner. J'ai mon père, il est avec moi, 89 ans. Il a l'Alzheimer. Je suis depuis 2011 à Saint-Antoine. J'ai eu Dalo depuis 2014. Et toujours j'écris, toujours je fais les renouvellements, j'écris mon état, ma situation, j'explique. J'ai jamais eu un rendez-vous avec le monsieur adjoint maire pour le logement. Voilà, et j'aime bien que vous venez voir chez moi. C'est vraiment, jamais j'ai eu un lit comme tout le monde, une chambre pour mes enfants. Ça, c'est une rêve pour mes garçons, vraiment. Mon mari, il a fait un AVC. Et moi, je suis des souffrances, des malaises toujours. Heureusement, j'ai des voisins sont gentils. Et vraiment, c'est trop grave. J'ai payé 650 euros les loyers depuis les 5 avril 2011. J'ai toutes les quittances des loyers, zéro faute. Et je veux rien, je veux juste un logement pour mes enfants bien éduqués comme tout le monde. C'est ça, c'est mon rêve. Alors, première candidature, une dame de 39 ans, divorcée, avec trois enfants de 11, 14 et 15 ans, qui occupe actuellement un F1 de 12 mètres carrés dans le parc privé et qui sont en procédure d'expulsion avec le commandement de quitter les lieux. Deuxième candidature, une dame de 47 ans, séparée, avec trois enfants de 8, 13 et 15 ans, qui occupe actuellement un F4 dans le parc privé avec un taux d'effort important suite à divorce. Alors, candidature, c'est un couple avec trois enfants de 17, 19 et 23 ans qui occupe actuellement un F1 dans le parc privé. Et il y a un problème de handicap pour madame qui utilise un fauteuil roulant. Quatrième candidature, une dame de 49 ans célibataire avec trois enfants de 7, 19 et 21 ans qui occupe un F2 dans le parc privé et on nous dit que le logement présente un fort problème d'humidité. Dernière candidature, une dame de 32 ans, séparée, avec quatre enfants, 12, 10, 2 et puis un bébé, qui occupe actuellement une chambre d'hôtel payée par le SAMU social avec participation de la ville de Paris. Bon, c'est tout horrible là. Le C, ils ont vraiment 22 ans d'attente et ils ont jamais... Non, si, ils ont été en rang, hein. Alors, il y a eu deux propositions qui ont été faites. Il y en a une qui a été refusée en 2009 pour loyer trop élevé. Et puis, il y a eu un dossier incomplet en octobre 2014. Alors qu'ils vivent dans 28 mètres carrés avec trois gosses. Ouais, ça peut... Eh ben, c'est bizarre. Le problème, c'est que les deux premiers, ils ont une violence. Le dernier, ils sont dans une chambre. A, B, qu'est-ce qu'on fait? A et B, il faut les maintenir, il faut les prendre. Oui, A et B, ouais. Et le E, ils sont dans quoi? 9 mètres carrés. Le E, c'est vrai. ABE, allez. Alors, rue de Lourcq, dans le 19e, pour un F1 de 34 mètres carrés à 394 euros. Alors, comment on en est arrivé là? Alors, candidature. Ben, on en est arrivé là par plusieurs phénomènes. Jean-Claude Drian. Le premier phénomène, c'est la situation urbaine française, hein, l'hypercentralisation de l'économie et la grande métropole qu'est Paris, qui fait qu'on se trouve à Paris dans une situation qui est finalement assez comparable à celle de Londres. L'Île-de-France est, si on prend les 20 dernières années, la région dans laquelle on a construit le moins de logements rapportés à sa population. De très loin. Donc, on dit souvent qu'il y a un déficit de logements en France. Je ne pense pas qu'il y ait de déficit de logements en France. En revanche, il y a un déficit de logements en région parisienne, ça ne fait aucun doute. Si vous allez dans des grandes métropoles comme Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse, qui sont ce que j'appelle des métropoles gouvernées, des métropoles dans lesquelles, à l'échelle de la métropole, on a mené depuis 20 ans des politiques d'urbanisme, on construit, on a des grandes zones d'urbanisation, on produit beaucoup de logements dans ces villes. En Île-de-France, on a pris un retard considérable. Les régions où il n'y a pas de crise du logement, laissons faire. dans les autres régions, il faut peut-être adapter la construction de logements aux réels besoins de la population. Patrice Camoun. Et ça s'appelle de l'aménagement du territoire. Plus vous avez des problèmes particuliers, les familles monoparentales, etc. Les familles monoparentales, le logement social, c'est le champion du monde de la famille monoparentale. On en loge 20% de nos locataires sont des familles monoparentales, alors qu'elles sont 7% dans la population française. Autre chose, aujourd'hui, la population universitaire de la région parisienne est énorme. Mais à Chaumont, il n'y a pas d'université. Je dis Chaumont, j'ai rien contre Chaumont. Mais Chaumont, il y a des logements sociaux qui sont vides. Or, il faudrait que des pôles universitaires se décentrent. Parce qu'aujourd'hui, ne me dites pas qu'on a besoin d'être à Paris pour étudier. C'est pas vrai. On est dans un manque d'aménagement du territoire, notamment dans le domaine du logement. Or, la loi ne fait pas de différence entre les régions. La loi Dalo, elle a été faite pour l'Île-de-France et c'est là où elle s'applique le plus mal. Faisons de la réglementation adaptée au contexte local et aux grandes régions et aux grandes agglomérations. Paris, c'est 12 000 attributions de logements sociaux chaque année. Yann Brossa. Sachant qu'il y a environ 120 000 Parisiens qui sont demandeurs de logement social, ce qui explique que le temps d'attente soit extrêmement long. Et j'ajoute à ça un peu plus de 80 000 habitants de banlieue qui demandent un logement social à Paris. Et donc tout ça additionné fait qu'on a environ 200 000 demandeurs de logements sociaux dans la capitale. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'on n'aura pas une régulation plus forte des loyers dans le parc privé, on aura toujours une tension très forte sur le logement social. Et donc la ville de Paris a des marges de manœuvre, mais à elle seule, elle n'a évidemment pas la possibilité de régler le problème du logement. Elle peut régler un certain nombre de situations, notamment en permettant à 7500 familles d'accéder à un logement social, mais ça reste limité. De la même manière, sur un enjeu comme la réquisition des logements vacants, la ville de Paris n'a pas de marge de manœuvre et ça relève entièrement du préfet. Parce que ça pose quand même question. On a, dans les quatre premiers arrondissements de Paris, on a un quart de logements qui sont soit inoccupés, soit occupés de manière très irrégulière. La question de l'application de la loi de réquisition se poserait. J'aimerais que la ville de Paris puisse le faire. Mais en l'occurrence, ce que prévoit la loi, c'est que c'est une compétence de l'État. Alors vous avez appliqué un droit de préemption sur un certain nombre d'immeubles à Paris. Nous utilisons largement l'outil de la préemption. C'est un budget annuel de 280 millions d'euros. Il reste que, pour préempter, il faut qu'il y ait vente. Mais la préemption est un outil pour nous très très important et que nous utilisons de manière très régulière. Tous les vendredis matins, il y a une réunion à la ville de Paris où on regarde l'ensemble des immeubles qui sont mis en vente et on regarde si on préempte ou pas. Pour construire du logement social à Paris, il faut des terrains. Et pendant les années 2000, la ville de Paris a beaucoup profité du mouvement de désinvestissement d'un certain nombre de grands propriétaires comme des compagnies d'assurance, caisses de retraite, etc., qui possédaient des immeubles, qui en ont beaucoup mis en vente, ce qu'on a appelé la vente à la découpe. Et une part de ces immeubles qui ont été mis en vente ont été acquis par des organismes de logement social, à la demande de la ville de Paris, pour les transformer progressivement en logements sociaux. Donc ça a été un moyen de fabrication de logement social à Paris, très important dans les années 2000. Plus d'un sur deux a été produit comme ça, par de l'acquisition dans l'existant. Aujourd'hui, ces ventes, elles commencent à se réduire parce que les personnes morales en question n'ont plus rien à vendre. Donc, ça va pas faciliter l'accroissement du parc social à Paris. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une volonté forte d'aller dans cette direction. Imaginez, on est passé de 50 000 logements sociaux produits, même de 30 000 dans les années 90, etc., à 100 000. Déjà, ça a été un effort, mais prodigieux, parce que sortir chaque année 100 000 logements sociaux, c'est énorme. Nous dire qu'il faut en faire 150 000, ça va être difficile, notamment à cause de la question foncière. Patrick Camoun, comment sont financés les logements sociaux aujourd'hui ? Ben, c'est vous qui les financez. C'est la Caisse d'épargne, c'est votre livret A. Le livret A, ça coûte rien à la nation. Ça coûte rien, c'est votre épargne. Et votre épargne, elle est prêtée à des bailleurs sociaux qui, avec ce prêt, va pouvoir construire des nouveaux logements sociaux. Et donc, les aides à la pierre, c'est que dalle. Or, aujourd'hui, il se construit 100 000 logements sociaux par an. 100 000 logements sociaux par an, ça fait au moins 150 000 emplois stables par an. Et donc, vous avez non seulement un intérêt économique, non délocalisable, parce que les emplois, on va les prendre sur le territoire français, et en plus, vous avez un coût pour la collectivité qui est très, très, très faible. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il faut réguler le marché du logement? Une des façons de le réguler, c'est d'apporter une offre alternative, si j'ose dire. Ça, c'est le logement social. Hein, parce que le logement social, ça n'est pas un bien marchand, c'est un bien réglementé, dont les loyers ne sont pas le résultat de l'ajustement de l'offre et de la demande, comme dirait un économiste. Hein, bon. Le reste du marché, c'est effectivement un marché privé, libre. Alors, est-ce qu'il faut aller loin dans sa régulation ? Ça fait vraiment débat parce que, contrairement à certaines idées reçues, ce ne sont pas les grandes forces du capitalisme international qui guident le marché du logement en France. Qui est propriétaire de logements et qui achète des logements en France ? Des particuliers. Qui loue des logements ? Des particuliers. Et donc, le marché du logement, qu'il soit locatif, qu'il soit en propriété, c'est un marché de particuliers. Et quand on a un bien à vendre, sauf si on est vraiment philanthrope, ce qui arrive, hein, mais on essaie d'en tirer le maximum. Quand on a un bien à louer, on essaie d'en tirer le maximum. Tant qu'on trouve un client. C'est un appartement à louer avec escalier hélicoïdal et en acier laqué. Avec vue sur le cimetière, on peut voir les gens qui errent dans les allées. Autrefois, Yann Brossa, le logement social était un peu perçu comme une promotion sociale dans le parcours résidentiel, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire que c'était un passage pour aller peut-être vers l'accession à la propriété. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, notamment à Paris ? À Paris, les gens parlent très peu du logement social. Et quand on a un logement social, souvent, on y reste. D'abord parce que c'est un bail à vie, et parce que le décalage entre le social et le privé est tellement élevé qu'on n'a pas la possibilité, bien souvent, de quitter son logement social. Donc aujourd'hui, le logement social, c'est un logement dans lequel on reste longtemps. Aujourd'hui, le locataire HLM est sous surveillance. On demande ses ressources, on demande la composition de son ménage pour voir s'il est en adéquation avec le logement. Or, aujourd'hui, tous les logements sont aidés. Quand vous accédez à la propriété, vous avez des avantages qui sont fournis par les pouvoirs publics, donc par vos impôts. Et qu'il y ait des locataires qui finissent leur vie en HLM, qu'on leur foute la paix, qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse vivre la fin de leur vie dans le cadre qu'ils ont toujours connu. Et si vous les sortez de leur logement, pour certains qui sont très âgés, vous les tuez. Et donc, aujourd'hui, je voudrais qu'on soit plus modéré dans les propos qu'on peut tenir sur la sous-occupation ou ceci ou cela. Alors, vous allez dire, oui, mais il y a des gens qui gagnent trop d'argent dans les HLM et qui devraient ne plus y être. Oui, il y en a 1%. 1%, ça fait 40 000 logements. Vous faites quoi avec 40 000 logements ? Vous allez résoudre la crise du logement ? La plupart des locataires HLM sont des personnes extrêmement modestes. Les 25% les plus pauvres de la population, qui étaient 12% en 1970, aujourd'hui, c'est plus de 50% des locataires. Arrêtons de dire que les organismes d'HLM ont perdu leur vocation sociale. Ils n'ont jamais été aussi sociaux de leur histoire. Jamais. Alors, place de la Porte de Champéret dans le 17e, pour un F2 de 60 mètres carrés à 604 euros. On l'a mis sur Locannonce. Il y a eu 453 postulants et 350 candidatures exploitables après les filtres. Candidature à une dame de 45 ans, célibataire, qui est logée dans un hôtel avec un... On avait d'abord un taux de refus relativement important sur les attributions de logements sociaux, un taux de refus de 40%. Ça veut dire que les propositions que nous faisons ne sont pas adaptées à ce que les gens attendent. Par ailleurs, moi je trouve que le mode d'attribution tel qu'il existait jusqu'à présent T'es relativement ringard. Je vois pas pourquoi un locataire du parc privé choisit le logement dans lequel il va habiter et un locataire du logement social se voit attribuer un logement social sans qu'il l'ait choisi lui-même. Et donc nous avons décidé de mettre en ligne tous les mardis des logements sociaux. Ça permet aussi de réduire le taux de refus, c'est-à-dire qu'évidemment que les gens qui ont choisi de postuler sur un logement refusent moins que quand on leur attribue un logement social qu'ils n'ont pas choisi eux-mêmes. Bon, ça présente un inconvénient, c'est que ça provoque aussi, bien sûr, des déceptions et c'est normal. Un jeune ménage qui occupe un F1 de 22 mètres carrés dans le parc privé et on nous dit que madame est enceinte. Bon, le A, ils sont à l'hôtel, le B... Il y a qu'une personne, voilà. Comment ? Il y a une personne, voilà. Ouais, après elle a 45 ans, 45 ans, elle a le droit d'avoir un F2, non ? Je regardais par rapport à ceux qui ont des gamins, c'est pour ça. Fait le A au moins ? Ouais, le A quand même. Hein. 9 le mètres A. carrés, 59% de taux d'effort, même si elle est seule. Le A, le B, elle libérera un grand logement social. Et après le C, quand même, regarde, 15 mètres carrés. Et le C, je sais pas. Ouais, non, mais c'est même plutôt ça en fait. A, C. A, C, B. Parfait. Yann Brossa, l'offre, elle est plus forcément toujours adapté à la nouvelle configuration des ménages. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec des femmes isolées avec leurs enfants, des personnes qui vivent encore dans leur logement social, mais dont les enfants sont partis, du coup, vivent dans des 3, 4, 5 pièces, alors que maintenant, ils sont plus que 2. Est-ce que c'est un problème important pour vous en tant que responsable de la politique du logement à Paris ? Moi, je pense qu'on a deux problèmes. Le premier problème, c'est que on n'est pas encore suffisamment efficace sur la question des échanges. Et qu'effectivement, on a beaucoup de personnes âgées qui vivent dans de grands logements sociaux et auxquels nous ne sommes pas capables de faire des propositions attractives. Quand vous vivez dans un grand logement social, que vous y êtes habitué, si on vous propose un logement... plus petit et plus cher, vous dites non, et ça se comprend. Donc il faudrait qu'on soit capable d'être plus efficace sur cette question des échanges. Et après, dans notre manière de concevoir les immeubles et les logements, on a besoin d'imaginer des choses qui permettent de faire évoluer le logement en fonction des évolutions de la famille. Et nous avons, comme cela, notamment inauguré un immeuble dans le 14e arrondissement, dans le quartier Plaisance, qui est un immeuble avec des appartements évolutifs et des cloisons qui peuvent évoluer en fonction de la situation des familles. Il y a de plus en plus de familles monoparentales, des enfants qui sont en garde partagée, et donc on a besoin que les logements puissent évoluer au même rythme que les familles. Donc c'est bien sûr une piste intéressante. Ça, c'est la chambre de vous trois ? Oui, des trois garçons. Alors maintenant, on va aller voir la salle des filles. Mais qu'est-ce que tu en penses ? T'es heureuse ? T'es contente d'avoir ta chambre à toi ? Oui. Merci oui. À Patrice Camoun, André, Jean-Claude Drian, Yann Brossa, Jean-Baptiste Hérault et Fatia. Lecture, Fanny Leroy. Mixage, Éric Boisset. Prise de son, Christophe Papon, Jordre Robert et Benjamin Chauvin. C'était Mon rêve de HLM ou La course au logement social en région parisienne. Un documentaire de Jérôme Sandelars réalisé par Véronique Samouilov. La première chose que j'ai fait, j'ai ouvert la porte et je me suis trouvée dans la cuisine. Hein ? Qu'est-ce que c'est que tu dis ? Il y a un statue là-bas. Ah oui, tu vois, il y a une statue. Avec une étoile. Et puis une étoile. Il a deux vélos accrochés. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en HLM, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain,